59 cicatrices, moi je rappe sous les matom. Putain c'est classique, Clara Hussein, je sens son arôme. On arrive en équipe de bonhommes sans Weston. C'est un film de western, et là tu te questionnes. Premier morceau tant attendu, tu sens que ça va faire mal, mal. Ici c'est la new school, ça va faire un mal. C'est pas le blast qui fait le MC, mais le MC qui fait son blast. Capte la phase, on peut devenir n'importe qui, ça c'est la base. Je commence tranquillement à gratter des phrases sales. Le début claque, c'est à 16 ans que je me lance vraiment, car les bras s'arment. C'est la sauce de deux MC qui cassent des types. Le style flingue, c'est hématome avec un point comme casse des types. Alors on fracasse des types. Qu'on compile en mixtape, s'ajoute à ça quelques feats avec son semi en 2007. Le premier impact à télécharger sur net, notre première scène, c'est un guest d'un daroun de la scène. Max 87 au yep, une certaine naissance au mic. Nouvelle école, mais à l'ancienne, car c'est l'essence même du rap. SKI2LAH. Et toujours hal pour faire nos bacs, bac, défoncer les bacs. Une patate à l'an, bac, bac, un rêve d'ac, d'ac. Et pourtant on reste au tac, tac. Et pour ça faut des plaques, nous qu'on vend des petits bacs, bac, et hey. On fait les bails colossales, clan collectif de 9 MC qui s'associe pour casser des dents. Sinon en zone, les radios, concert freestyle, les tremplins. Et puis ça rôde dans Twingo, mon frère a fumé des gros joints. Enfin bref, on fait des connaissances et les vrais s'en souviennent. Les haineux sont même pas menaçants et les potos soutiennent. Ça bosse dur pour sortir un street mur. On vous a concocté du lourd, un truc de ouf, au style pur. Pendant ce temps là, ça clash partout, nous on attend encore nos trophées. Maintenant que t'es raconté le parcours, t'as plus qu'à écouter notre projet. Yeah. Yeah, check ça. Pop, Dutch. Ok. Welcome to new school. Yeah. Welcome to new school, the tweet album of the dynasty. Welcome to New School, the tweet album of the dynasty. Non, je suis pas ricain, mais je fais trop mal, attends de voir la suite. J'ai commencé par écrire des petits 16. Je taffais de ça le texte en faisant des repeatsiers. Je voulais clasher les petits gags de la récré, mais je créais de grades créations trahissant mes pensées. Donc j'ai posé, gratté pour affiner ma plume. J'écorchais mes cahiers, les semelles usées par ce bitume. Mes premiers petits tubes accompagnés de pelettes. Mon pote, mon gars, sur mon sauce, mon collègue. Depuis le collège, on collecte des comètes de textes qui commettent des caisses de coma. Et si on traumate, c'est que je suis pas là pour blaguer. Mon gars, c'était ma tombe, donc on n'est pas là pour te smacker. Vas-y, smoke et fais tourner le scudgy. C'est pas peut-être qui déchire comme le clip de Slim Shady. Faut que je t'explique que j'excelle dans le one shot. Donc j'exige qu'on exile ma langue dans un sex shop. New school. Inconnu mais déjà culte. Notre rap est un porno, donc c'est normal si t'éjacules. J'répète, new school. Inconnu mais déjà culte. Notre rap est un porno, donc c'est normal si t'éjacules. On exécute de ça le 16 qui impressionne les puristes. Notre hit album, une bête de scène avec un public en furie. Dans l'équipe y'a des furieux comme SKI2LAH. Attention si t'es trop curieux, manif te cire à la hache. Il a la rage et la maudite comme cet enfoiré de bâtard. Plus violent que la bande à batteur, tu vas battre rien qu'à l'écoute. Comme les quêtes de DJ Vin, si t'as kiffé. Bah ouais, y'a de violent featuring. Avant tu n'aimais pas le rap, et forcément t'étais déçu. Maintenant que le street est dans les packs, tu ne te trouveras plus d'excuses. Bah, et my dog.